Musique tous les mardis soirs. Swing Out avec Jasmin Hinze à 20h30, Délinquant Juvénile avec David Rochette à 21h et Les Saints Patrons de l'Acouphène avec Jean-Sébastien Doré à 22h30. Le pied bleu, bouchon québécois d'inspiration lyonnaise, c'est la cuisine traditionnelle française qui vous offre cochonaille, abats et tripes dans une formule gargantuesque. Le renard et la chouette, café et buvette, c'est une cuisine contemporaine suivant les saisons. Petits et gros plats à partager axés sur les légumes et les poissons. Deux lieux, même convivialité. Le Pied Bleu et le Renard et la Chouette, 179 et 125 rue Saint-Vallier-Ouest. 88 914 35 54. Menu sur piedbleu.com. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% au restaurant Pub Le Dorcé, 65 rue de Buade à Québec. dorcerestaurant.com. Votre carte au coût de 25 $ est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Tous les dimanches à 21h, Jean-Pierre Gay et Gaëtan Gosselin explorent l'univers fascinant de l'art audio. The sound from the ice directly under my feet. Aiguisez vos oreilles, l'Avatar est à bord sur les routes de l'art sonore et nulle part ailleurs que sur les ondes sans frontières de CKRL. Bienvenue à l'Aérospatiale, le magazine radio dédié aux arts visuels à Québec. J'entends la France à l'animation pour cette émission du 12 janvier 2016 avec Audrey Carreau au micro de CKRL 89.1. Bonsoir, Jean-Tiane. Ça va bien? Oui, très bien, toi? Oui, je suis un peu fébrile pour ma première émission à l'animation. Je suis bien contente que tu sois là avec moi. Ah, bien sûr, toujours. donc une émission qui va tourner beaucoup autour de la saison culturelle en arts visuels qui a débuté avec une soirée de vernissage dans la coopérative Méduse. Ça va être l'occasion de vous présenter quelques expositions qui ont débuté la semaine dernière, donc vendredi dernier, lors de la soirée de vernissage progressif. Donc aujourd'hui, on va commencer par une revue de presse. Il y a eu plusieurs des décès dans les dernières semaines, dont deux figures importantes qui ont apporté beaucoup au milieu des arts visuels au Québec, donc que nous soulignerons en revue de presse. Ensuite, nous allons recevoir Gino Quentin pour parler de son exposition qui a débuté vendredi dernier dans la Grande Galerie de l'Œil de Poisson. Et en deuxième partie d'émission, nous allons nous entretenir avec Andréane Jacques au sujet de son exposition solo présentée chez Engram. Et finalement, la chroniqueuse Marie-Claire Tremblay viendra nous parler des expositions d'Elis Hoffman et de Jonas Saint-Michaël qui sont présentées à Vue Photo. Vous pouvez avoir tous ces détails sur notre page web www.laérospatialeckrl.wordpress.com et sur la page Facebook de l'émission. Vous pouvez y retrouver les émissions en balado-diffusion, y retrouver également les actualités en art visuel, un calendrier des événements, quelques billets publiés par nos collaborateurs et la sélection audio de Simon Roy qui, justement, aujourd'hui, nous propose un artiste d'Irlande qui est nommé Zenji, qui nous fait une espèce de dubstep psychédélique donc que nous allons entendre à l'instant. Bombastic. Alors, de retour avec Audrey Caro pour cette revue de presse à l'aérospatiale, le magazine radio dédié aux arts visuels. J'ai envie de commencer, en fait, cette revue de presse avec l'annonce du décès de M. Jean-Paul Lallier le 5 janvier dernier. Mm-hmm. Jean-Paul Lallier qui a été maire de Québec de 89 à 2005. Un long mandat quand même. Long mandat très fructueux. Je dirais, qui a mis en place beaucoup de choses dans la ville de Québec. Jean-Paul Lallier a également été ministre des Affaires culturelles en 1975 et ministre des Communications des Affaires culturelles de 81 à 89. Donc, on voit que c'est un homme qui était déjà très préoccupé par... La culture, oui, les arts et l'importance de la culture dans notre société. Il avait également mis sur pied les offices franco-québécois pour la jeunesse. Très dynamique. Lors de son mandat de maire à la ville de Québec, il y avait beaucoup de projets qui lui tenaient à cœur. Tant dans le domaine de la culture que dans le domaine également du verdissement de la ville de Québec, du développement du centre-ville beaucoup. Oui, surtout, on le sait, le quartier Saint-Roch là, qui a été beaucoup marqué durant son mandat, là, qui s'est transformé. Exactement. Donc, le quartier Saint-Roch, qui était un lieu rempli de béton et de voitures, qui, sous le mandat de M. Lallier, s'est transformé. Donc, il y a un de ses premiers combats, je dirais, parce que ça n'a pas toujours été facile pour lui d'imposer ses projets, mais il l'a toujours fait avec une volonté très démocratique, je dirais, toujours à l'écoute de ses citoyens. Le fameux parc Saint-Roch, installé comme ça au milieu d'un quartier que peu de vie culturelle, on avait comme je disais, des stationnements. Les gens ont réagi beaucoup à ce projet-là. Il y avait eu aussi des interventions citoyennes qui s'étaient faites avant le parc Saint-Roch. Je pense que c'est des citoyens qui ont quand même aussi amené ce projet-là vers le maire, tout comme le projet de Méduse aussi. Ce sont les artistes qui sont allés frapper à la porte du maire là pour tout ça. Puis je pense que ça a fait plusieurs... ça a fait un bon bout de chemin dans sa tête. Là, Exactement. C'était pas seulement ses projets à lui, mais c'était des projets dans lesquels il était à l'écoute de ce qui se passait dans sa ville, qui était à l'écoute des citoyens. On a, par exemple, aussi la Fabrique, l'École des arts visuels, qui a déménagé dans l'édifice de la Fabrique Dominion Corset en 93, mais auparavant, c'était les étudiants en arts visuels eux-mêmes qui avaient organisé une exposition de finissant dans ce vieil édifice placardé. Et c'est par la suite que ce projet de déménagement-là avait été mis en place. Évidemment, la coopérative Méduse, qui est d'une très, très grande importance pour le milieu des arts visuels à Québec, qui est une infrastructure qui est unique en Amérique du Nord. Donc, c'est des centres d'artistes qui se sont regroupés ensemble pour pouvoir investir ces lieux désaffectés qui étaient au cœur de la ville. On appelait ça Plywood City. Exactement. Donc, une espèce de triangle de bâtiments, donc des bâtiments patrimoniaux qui étaient au pied de la Côte d'Abraham, qui regroupe de nos jours 10 organismes œuvrant en art visuel. J'avais le goût de vous lire un extrait d'un hommage de Gaétan Gosselin, qui est directeur général d'Erecto Verso, qui était un des membres fondateurs de Méduse. Je vais vous en lire un extrait seulement. Donc, on rêvait de meilleures conditions de vie pour les artistes, dit-il, de lieux propices pour créer des œuvres et les présenter au public. Jean-Paul Lallier rêvait de ça aussi, pour sa ville et pour ceux qui l'habitent, pour ceux qui l'animent sur le plan culturel. Il aimait dire qu'une ville ne peut tout faire pour les artistes, mais que son premier devoir était sans doute de leur fournir un toit pour s'abriter, pour œuvrer. Donc, de très beaux mots de Gaétan Gosselin, très touchants, qui résument un peu l'importance de M. Lallier dans le développement des arts dans la ville de Québec. Un autre décès également qui a marqué les dernières semaines, c'est le décès de M. Barbeau. Marcel Barbeau, le peintre, hein, oui. Signataire du refus global. Exactement. Donc, en 1948, il a signé le refus global auprès d'une quinzaine d'artistes qui ont été très, très marquants pour les arts au Québec. Donc, c'était le seul homme survivant de ce groupe de signataires. Donc, il ne reste que des femmes. Je pense que c'est Françoise Sullivan, notamment, qui est toujours parmi nous. Hein? Oui, Madeleine Arbour également, oui. Françoise Riopelle et Louise Renaud. Il s'est éteint le 2 janvier 2016. Il a laissé un héritage en art visuel, donc une pratique très, très intuitive. Il a touché à beaucoup de pans de l'abstraction, autant géométrique que gestuelle. Donc, ouais. un électron libre, si on veut, des arts visuels, un touche-à-tout. Un artiste aussi qui a souvent été dans l'ombre d'autres grands artistes comme Paul-Émile Bordua, là, et Riopelle notamment, qui ont été deux artistes qui se sont beaucoup démarqués, mais Barbeau a aussi apporté beaucoup au développement de l'abstraction au Québec également. Oui, aussi. Oui, oui. Puis on peut voir dans le film que sa fille a réalisé en son honneur, donc je cherche le titre, Barbeau libre comme l'art, on peut voir également beaucoup de frustration de la part de cet homme vieillissant qui peine à faire reconnaître son œuvre. Peu de musées lui ont consacré des expositions importantes après les années 70, mais nous, à l'aérospatiale, on a eu l'occasion de couvrir une de ses dernières expositions. Oui, exact. Présentée à Michel Guimond l'an dernier. Donc, une revue de presse pour dire adieu à M. Marcel Barbeau et Jean-Paul Lallier. Parfait. Donc, je pense qu'on s'en va en pause musicale. Alors... qu'est-ce qu'on écoute? C'est toujours Zenji, je pense. Oui, donc Zenji, un extrait du morceau qui s'appelle Lucille. Alors, de retour à l'émission L'Aérospatiale, Audrey Caro et Jean-Tienne Lafrance au micro, on accueille Gino Quentin. Bonsoir, Gino. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va bien. J'ai un peu la grippe là, pour les gens à la maison. Là. Peut-être que ça va être désagréable de m'entendre parler du nez. Donc, oui, tant mieux si ça ne passe pas les ondes du micro. Oui. Tu présentes à l'œil de poisson une exposition intitulée « Changement de statut ». C'est un titre qui est quand même assez intriguant. Comment t'as choisi ce titre-là? Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Qu'est-ce que ça symbolise? Oui, mais j'ai essayé de changer le titre. Hein. J'aimais pas beaucoup ça, moi non plus. C'était comme un titre de travail, puis là, j'ai cherché d'autres titres qui me semblaient plus beaux, plus poétiques, puis j'ai rien trouvé qui remplaçait ça. Dans le sens où je l'entendais, ce que j'aimais de changement de statut, c'est que ça évoquait, bon, d'abord le changement, des transitions, mm-hmm. des changements de statut sociaux. Donc, marié, célibataire, vivant, mort. Mm-hmm. Tu parles aussi de statut Facebook. Et les statuts Facebook aussi. On ne peut pas ne pas penser à Facebook en entendant le mot statut de nos jours. C'est ça, où on essaie de s'inventer des... on fait état de nos états. Mm-hmm. Puis il y avait aussi l'idée de statut. Puis c'est peut-être un peu rigolo, là, mais c'est que j'avais envie depuis longtemps de me mettre au défi de faire des statues. De pas juste faire des sculptures, mais de faire des statues, donc des grands formats. Ouais, puis qui évoquent soit le corps animal, soit le corps humain. Puis c'est ça. Donc c'était vraiment ce défi-là que je voulais avoir. Puis le changement de statut me permettait, me permettait de travailler sur ces deux aspects-là, finalement, en même temps. C'est ce que j'appréciais du titre. Mm-hmm. Donc, cette espèce de jeu de mots qui va chercher aussi la statue, la figure humaine. Puis, c'est quelque chose que j'ai remarqué beaucoup dans cette exposition-là. On dirait que dans ton travail, auparavant, tu travaillais beaucoup à partir d'éléments plus concret qui ne représentait que peu de choses ou beaucoup plus dans le règne animal, des choses comme ça. Et puis là, ici, avec cette exposition-là, c'est vraiment la figure humaine qui est au centre de ces installations, assemblages. Donc, t'en as parlé de ce côté hybride, hein, des figures humaines à cheval qui sont en train de se former ou de se déformer, qui sont comme un peu à cheval entre les éléments concrets qui la composent et ce qu'elle représente. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler un peu plus sur des figures qui peuvent nous parler ou avoir des éléments narratifs comme ça? Ouais, c'est comme si avant j'utilisais les objets en assemblage entre eux. Donc je travaille en assemblage, là, peu importe, mais au début j'assemblais différents objets entre eux, puis le rapport au corps, c'était un rapport qui était vraiment lié avec la main. C'était des sculptures qui étaient un peu était pas nécessairement manipulable, mais elle donnait l'impression d'être manipulable, de pouvoir être portée, de pouvoir être prise. Souvent d'ailleurs, je les déposais sur des espèces de socs qui ressemblaient à des tables ou qui ressemblaient à des meubles. Puis je m'étais donné comme défi de faire des choses, des sculptures plus grosses. Mm-hmm. Puis qu'au lieu que ce soit la main qui soit l'espèce d'étalon, là, l'espèce d'unité de mesure mm-hmm. De l'objet, ce soit notre corps au complet. Donc là ça obligeait de grossir. Hein, donc pour moi, il y avait aussi cette idée-là de changement dans mon travail, le changement de statut, si on veut, de passer d'un faiseur de bibelots à un faiseur de sculpture. Oui. Hein? Non? Quelque chose de plus gros, plus massif. Puis même je trouve que j'ai pas été si gros là finalement dans mes sculptures, mais comparativement à ce que je faisais, mm-hmm. c'est énorme. Oui, c'est oui, ça. Oui. Est-ce que le fait d'exposer dans la grande galerie à l'œil de poisson a été comme une motivation pour faire des éléments plus gros ou? Ben non, ben c'est-à-dire que c'est le projet que je leur avais soumis. Ça oui. faisait longtemps que j'essayais de que je voulais grossir mes sculptures. Ben, l'exposition précédente que j'avais faite à Regard il y a 3 ou 4 ans était aussi un peu plus gros que mm-hmm. un peu, mais c'était pas debout, ça demeurait, quand c'était gros c'était plutôt couché par terre, on dirait, alors que là j'ai voulu faire des choses qui se dressent vraiment comme des êtres humains, comme des statues, même si c'est pas toujours des représentations humaines très très réalistes. Non, il y a beaucoup de fragmentation. Hein. Le corps est très, très fragmenté. En fait, il y a peut-être deux personnages qui sont peut-être plus complets. Il y a la sirène, cette espèce de sirène suspendue, très, très énigmatique. On se demande comment elle fait pour tenir là, accrochée après des fils de pêche, tout simplement. Tu sais, très massive, puis suspendue comme ça dans l'air. Ça a l'air tout léger dans l'air, oui. en quelque sorte, là, oui. aussi. Hein. Et puis quelque chose que j'ai remarqué aussi dans ton exposition, c'est la thématique aquatique. Oui. Mais en fait, d'emblée, on entre dans l'exposition, on est face à une simèse où il y a quatre dessins qui sont exposés, des dessins numériques qui représentent toutes des surfaces d'eau. Puis on dirait qu'on puis cette simèse-là est bleue, d'une espèce de bleuté de d'océan profond. Et puis, on dirait qu'en traversant, on traverse comme la surface de l'eau, puis on entre dans ce monde aquatique peuplé de personnages qui... Il y a ses jambes sur un tremplin. Il y a ce personnage au fond aussi qui traverse un ensemble de fils bleus qui semble un peu... qui est quelque chose de très aquatique. Puis sinon, cette représentation-là réfère beaucoup, nous fait penser à la surface de l'eau. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans cet univers-là de l'eau, de l'océan? Ouais, c'était comme pas prémédité, toutes ces affaires-là, on dirait. Mm-hmm. Au début, j'avais l'idée vraiment de faire la sirène. Oui. Pour moi, c'était comme ça allait être la pièce centrale. Donc, c'est le point de départ. Ouais. Je voulais faire des statues, puis je me disais, bon... je travaille beaucoup l'hybridation, je cherchais une figure aussi qui rejoignait plusieurs de mes préoccupations artistiques. Puis, comme je racontais lors du vernissage... C'est ça que j'allais t'amener là-dessus. J'enseigne au collégial, au cégep Limoilou, c'est ça. Puis en art visuel. Puis, donc, quand on enseigne, on côtoie beaucoup d'étudiants qui ont chacun leurs préoccupations. Puis, j'ai eu une cohorte étudiante où les... Où j'avais vraiment beaucoup d'étudiants qui semblaient avoir des fixations pour les sirènes, mais des fixations, j'ambitionne, là. Un amour marqué, pour les sirènes, vraiment. Puis aussitôt qu'il y avait un sujet à choisir ou que je leur donnais de la liberté dans les thèmes, ils me faisaient des sirènes. Donc, tu sais, je me disais, c'est fou, c'est leur projet final de session parmi tout ce qui est possible de représenter. Ou de ne pas représenter, ça aurait pu être de l'abstraction, ou parmi tout ce qu'ils veulent exprimer, ils choisissent de me faire une sirène. Moi, je trouvais ça fort. je trouvais ça fort. Qu'il y en ait un, ça va, mais qu'il y en ait quelques-uns, je trouvais ça fort. Je me disais, mon Dieu, il y a quelque chose là-dedans. Soit Ariel a mis quelque chose dans leur cerveau dès le plus jeune âge. Là, qu'est-ce qui se passe? Ça s'est rendu des adultes. Ouais. Puis en même temps, ça me fait me questionner beaucoup sur moi, parce que l'image de la sirène était quelque chose quand même assez présent. Moi, je me rappelle de La Petite Sirène version triste, quand j'étais enfant, le dessin animé japonais manga, qui m'avait assez marqué. Puis là, je me suis dit, bon, je vais essayer d'exorciser ça, ce phénomène-là de la sirène, puis moi, je vais m'en faire une. Donc, c'était un peu comme un défi. Souvent, je travaille comme ça, je me dis... mettons, en peinture, pendant un bout de temps, j'avais fait ça. C'est facile de faire une bonne peinture avec des couleurs que t'aimes, mais c'est donc d'en faire une bonne avec des couleurs que t'aimes pas. Donc là, je parle d'un sujet un peu... Sortir de sa zone de confort. Ouais, c'est ça, un sujet un peu kitsch, très kitsch. Mais ça me faisait pas peur en même temps. Je me disais, on va l'essayer. Donc là, j'ai construit une sirène, puis je voulais qu'elle soit imposante. C'était comme, pour moi, ça allait être, encore une fois, l'espèce d'unité de mesure, de perfection avec laquelle on allait comparer les autres sculptures de l'exposition. Ça s'est pas traduit tout à fait comme ça, finalement. Mais elle est venue représenter plein de choses différentes pour moi, cette sirène-là. Ben, d'abord, c'est une figure de proue. Il y a des rappels de la figure de proue avec le travail de la dorure dans les cheveux, dans la queue. Donc, on est vraiment devant une espèce de figure de proue. Et puis, toute l'iridescence de sa queue est assez fascinante quand même. Ouais, je travaillais beaucoup. J'avais déjà souvent travaillé avec des paillettes. Fait que là, c'était comme une autre occasion d'utiliser ce matériau que j'affectionne, parce qu'il y a quelque chose de charmant, de kitsch en même temps. Puis qui me permet de répéter. J'aime beaucoup, il y a beaucoup des sculptures qui sont construites comme ça par la répétition de gestes. Oui. Donc le recouvrement de surface. Puis pour moi, recouvrir un objet avec du cuir ou avec des paillettes, c'est comme une façon de mieux le connaître, de l'apprivoiser, d'en faire le tour. T'sais, c'est comme si je le connaissais centimètre par centimètre. Là. Donc il y a cette idée-là. Fait que là, il y a la sirène avec sa queue pailletée, iridescente, puis tout son corps, ben lui, est fait en simili-cuir. Puis c'est comme s'il était découpé un peu comme une chirurgie plastique. Oui, ça rappelle beaucoup la chirurgie plastique ou ce film de... Attendez un peu, je cherche le titre. Le réalisateur espagnol. Almodovar. Oui, le film d'Almodovar avec ce médecin chirurgien. Mais ça m'a rappelé ce film-là. Donc, ce médecin chirurgien qui se fabrique, il a perdu son épouse et il se fabrique une épouse en rapiéçant de la peau comme ça. Et ça rappelle ces lignes qu'on voit sur tout le corps. Ça m'a vraiment, tout de suite, ça m'a évoqué ça. Donc, la chirurgie plastique et le monde aquatique. Oui, puis il y a un côté aussi un peu personnage de synthèse. Chirurgie plastique, personnage de synthèse. Puis, dans sa position, cette sirène-là, il y a quelque chose de... Ben, il n'y a pas juste quelque chose. Là. Le modèle que j'ai pris, c'est une sculpture de la Sainte Vierge. C'est ça. Donc, dans la position oui, des mains. Très religieux. Oui, c'est ça. Puis là, de faire qu'elle s'élève dans le ciel, mais avec des hameçons qui donc, sont accrochés dans son dos. Elle s'élève hors de l'eau. Oui, ben c'est ça. Ouais, puisqu'on est dans l'eau, en tout cas, c'est ce qu'on pense. Puis, c'est ça. Donc, c'était une... Ouais, puis c'était comme en même temps, il y a comme ses mains. J'ai pas voulu faire des mains, j'ai fait comme des pinces. Puis ça l'évoque un peu aussi des mitaines de four. On a l'impression. Pensé, puis, ouais, donc, des belles mitaines de four. Belles mitaines de four dorées. Mais des pinces de crustacés très grossières, mais très lisses en même temps. Oui. Et puis, oui, donc une très, très belle exposition avec aussi cet aquarium très mystérieux. Oui, l'aquarium, je voulais que ce soit comme une invitation parce que les sirènes, c'est. C'est l'invitation qui font que les marins se noient. Puis là, je voulais qu'il y ait de l'eau physique dans l'exposition. J'avais l'idée d'un aquarium, puis je cherchais quoi mettre au fond pour que ce soit comme une invitation, comme pour que nous aussi, on plonge. Puis là, j'essayais de trouver, je pensais à Facebook, justement, des changements de statut, exprimez-vous, des choses comme ça. Puis je n'arrivais pas à trouver la bonne idée. Puis là, tout d'un coup, j'ai essayé de trouver d'autres invitations pour d'autres type d'être vivant. Puis je me suis dit, à la lumière, chez les papillons, c'est vraiment une super invitation à se brûler les ailes. Un peu comme les sirènes, pour les marins, à aller se noyer. Donc, en mettant dans le fond de l'aquarium ce vidéo-là de papillons qui sont en train d'aller se brûler les ailes sur une ampoule, mais j'avais comme un autre... comme un autre rapport, une autre chose qui disait la même chose deux fois dans la même exposition, puis qui nous aidait comme à fermer le cercle. Oui, c'est intéressant. Puis en même temps aussi, l'aquarium, quand on doit le regarder de haut parce qu'il est inséré dans une boîte de bois. Et puis on le regarde de haut, puis on essaie de se pencher pour voir un peu les parois. Puis il y a une espèce d'effet d'optique qui fait qu'on est déboussolé à chaque fois. On n'arrive plus à retrouver le fond. Le fond bouge, les réflexions sur les parois bougent. Donc on se laisse prendre, si on veut, par le monde. De l'eau et le monde des sirènes, ce monde dans lequel tu nous invites dans cette exposition présentée à l'œil de poisson. Donc, une exposition à voir qui est présentée jusqu'au 7 février. Merci beaucoup, Gino, pour ton passage à l'aérospatiale avec nous. Merci à vous. Avais-tu une question, toi, Audrey? Non. Ça fait tour. Puis oui, je ne poserai pas mes questions philosophiques à Gino. donc, on n'ira pas poser des questions philosophiques à Gino aujourd'hui. On va se concentrer sur ce qui se passe dans l'exposition. Alors, on part en pause publicitaire. À l'instant. Oui, à l'instant. Donc, de retour après la pause avec une entrevue avec Eliane. Jean. Vous écoutez CKRL 89.1. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% sur tout le matériel usagé chez Québec Aubaine Recycle, 1635 Henri Bourassa. Votre carte au coût de 25$ est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Alors, de retour à l'aérospatiale, donc en deuxième partie d'émission, Audrey et moi, on reçoit Andréanne Jacques. Bonsoir Andréanne. Allô. Ça va bien? Oui, très bien. Oui. Donc Andréanne Jacques, tu présentes une exposition à Engram, donc qui a débuté vendredi dernier lors de la série de vernissage. Tu es une artiste de Québec qui travaille beaucoup à partir de l'accumulation de gestes, à partir de différents médiums, le dessin, le textile, des médiums de l'estampe. Et puis dans cette exposition-là, tu présentes principalement de la sérigraphie et du tricot machine. Auparavant, tu as travaillé plus dans le tissage, dans la broderie. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler le tricot machine, à réfléchir le tricot machine dans ta démarche? Mais ça fait déjà depuis 2014 que je m'intéresse au textile. Je pense que pour moi, le papier, quand je l'utilise vers l'estampe ou vers la gravure, c'est étroitement lié avec le textile, donc la matière, la fibre. Donc, j'ai toujours été interpellée par ça. Puis je pense que depuis un an et demi, j'ai décidé d'y aller vers ça, juste de penser que le tricot, c'était juste pour moi à la maison devant mes petites téléséries. Mais non, en fait, je pouvais vraiment l'utiliser comme un mode d'expression, puis l'intégrer aussi avec la façon dont je crée, puis mes préoccupations artistiques. Donc, c'est comme ça que c'est devenu. Il y a un an, j'ai essayé avec mes dessins, j'ai travaillé un peu avec la broderie. Maintenant, c'est plus avec le tricot machine. Donc, c'est ça. C'est intéressant parce que, dans tes œuvres papier, il y a cette accumulation de motifs. Hein? Donc, tu vas travailler beaucoup autour de la répétition du geste, la répétition du motif. J'ai déjà vu dans ton travail des motifs, donc plus autour du dessin, des motifs beaucoup plus géométriques, alors qu'ici, tu vas travailler beaucoup plus à partir de tâches. Tu fais des petites tâches. Et puis, des petits traits aussi. Oui, des petits traits, mais tu sais, c'est pas simplement qu'un trait, mais il y a comme un petit gribouillis, là, sans vouloir être réducteur, là, mais tu sais, il y a quelque chose de l'accumulation sur le même motif. Hein, on continue. Et puis, en réponse à ces tâches-là dans tes dessins, tes sérigraphies, il y a comme une espèce de dentelle qui se crée dans tes tricots machines. Donc, il y a une espèce de négatif, si on veut. C'est comme une réponse en creux. Hein. Tu vas les présenter beaucoup en diptyque ou rassembler ensemble. Donc, on peut comparer le travail du dessin avec ce négatif. C'est drôle, ça me faisait penser un peu comme la sérigraphie se travaille justement sur la soie en négatif, donc avec ces percées-là qui se créent dans la soie. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu réfléchis, ce jeu-là de négatif, positif? Mais tu travailles en fait beaucoup avec la transparence. Oui, ben en fait, pour cette exposition-là, les tâches sont venues tout simplement parce que la sérigraphie, c'était la première fois que j'en faisais réellement. Ça fait quelques mois, peut-être 4 mois que je me l'approprie, vraiment plus dans le dernier mois avec l'exposition. Donc, on dirait que pour moi, la sérigraphie était vraiment super proche de l'estampe et de la gravure, mais en fait, ça, c'est complètement, pas complètement différent. Il y a plein de choses qui sont similaires, mais je me suis rendu compte qu'il fallait que je travaille avec la couleur, avec la transparence, avec la superposition. Donc, le fait d'avoir mes petites tâches, on dirait que ça me donnait plus de matière à travailler. Donc, c'est venu naturellement. Puis, on dirait qu'avec le tricot machine, ce que j'aimais, en fait, c'est que, oui, tu sais, le fait que les mailles deviennent les petites lignes qui sont mes dessins, mais les trous deviennent aussi les petites roches ou les petits météores ou les petites roches qui, comme tu dis, là, les trous... Ouais, c'est comme des percées, ouais, qui répondent aux roches ou aux taches. Moi, j'appelle ça des petites taches. Mais tu travailles aussi encore avec le trait. Hein. Beaucoup de répétitions de traits dans certaines de tes œuvres. Puis on voit, c'est intéressant parce qu'on voit le chemin que fait ta main. Hein? On voit les petits traits qui s'accumulent, puis ça crée des espèces de vagues ou de lignes dans tes œuvres. Puis je me demandais, est-ce que tu as comme un système, est-ce que tu commences toujours en haut à droite, ou est-ce que tu as différentes zones où tu commences, où les traits, où les motifs vont se rejoindre? De quelle façon tu expérimentes l'espace du support par rapport à la façon dont tu t'apposes ces motifs-là sur le papier? Je pense que vu que la façon dont je crée est tellement répétitive et tellement pouvant tellement apparaître pour des gens complètement absurde parce que tu fais que répéter toujours, que je me laisse vraiment la liberté de commencer à peu près où dans la feuille. En fait, ce qui va déterminer, c'est simplement que si mon crayon coule, ben je vais faire attention pour pas que ma main le frôle, fait que je vais toujours aller vers la droite pour pas tâcher mon papier. Mais sinon, j'ai vraiment une pleine liberté. Je commence, j'en rajoute, j'en enlève, je recommence. Fait que c'est Donc, tu travailles aussi à la gomme à effacer? Ouais. Ouais. Non, en fait, quand je vais recommencer, c'est parce que je vais recommencer complètement le dessin. Au complet. Ouais. Donc, c'est du début à la fin, c'est la même œuvre. Moi, si je peux me permettre, je suis allée voir l'exposition, puis j'ai discuté avec Armel, on en discutait ensemble comment, dans le fond, le support aussi, la façon dont tu traites le textile, hein, le tricot qui peut apparaître d'une autre époque aussi en même temps, mais il y a comme une recrudescence de ces matériaux à plus près des métiers d'art, par exemple. Et c'est intéressant parce que tu le traites de façon contemporaine, un peu par les motifs. Je veux dire, les couleurs peut-être pourraient nous rappeler des couleurs un peu plus anciennes, quoi qu'on n'est pas trop dans le brun, là, par exemple. Là, souvent, non, quand l'orange est bon. C'est très pastel. Mais c'est ça, mais je veux dire, puis en même temps, il y a un beau rapport aussi entre comment ton textile, le textile et le papier vont se rejoindre ensemble, parce que c'est pas évident de faire corroborer ces deux pratiques-là, l'estampe, le tricot, mais tout ça fonctionne très bien, je trouve, dans ton exposition. Ouais. Comment as-tu réussi à peut-être transposer ces deux éléments-là, à faire que ça fonctionne? Hein? Ben, je pense que je me pose même pas la question. En ce moment, depuis un an et demi, je peux pas dissocier un ou l'autre. Mm-hmm. Je travaille instinctivement avec les deux toujours. Okay. Donc, je pense que ça va durer encore longtemps. Puis le textile, il reste encore tellement de choses à découvrir que pour l'instant, c'est pas, j'essaie pas de les mettre ensemble. Je les fais ensemble, tout simplement. Okay. Ouais. Puis c'est intéressant parce que tout ce rapport, la mise en espace des œuvres, la façon dont tu les exposes, les accroches, il y a quelque chose qui permet beaucoup d'apprécier la texture du papier, la texture du tissu, de les voir en transparence. Je pense à cette installation devant la fenêtre avec le papier journal. C'est quoi le travail que tu fais avec le papier journal de cette installation-là? C'est très simple. C'est le papier journal qu'on utilise en sérigraphie que tout bon sérigraphère va utiliser. L'huile à bébé, qu'on utilise aussi pour la sérigraphie. Donc, un jour, j'ai juste essayé et ça l'a donné ça. Puis je trouvais ça vraiment intéressant qu'un papier qu'on voit puis qu'on dit qu'il n'est pas nécessairement beau, qu'il est super acide, peut, avec simplement une manipulation assez simple, devenir un papier qui est lustré, qui a l'air, tu sais, qui a l'air le fun à toucher, qui est presque du velours. Puis tout simplement, c'est ça, j'ai voulu le traiter de cette façon-là. Puis celui-là, tu sais, les expositions, ce qui est le fun, c'est vraiment ça, c'est à la fin, tu sais déjà où tu t'en vas pour le prochain parce qu'il y a des choses qui t'ont accroché vraiment à la fin. Puis ah ben ça, c'est intéressant, puis ça fonctionne très bien parce qu'on a le goût de toucher à toutes tes œuvres. Et donc, tu vas chercher justement des textures dans cette recherche-là de papier, de tissu. Donc, on va partir. Ben, merci beaucoup, Andréane. Ça fait plaisir. Pour cette belle entrevue. Et puis, on va partir en pause audio avec toujours l'artiste Zengji, un extrait de Tesla Squid. Alors, de retour à l'aérospatial avec Marie-Claire Tremblay. Bonsoir Marie-Claire. Allô, ça va bien? Oui. Donc, Marie-Claire, on t'a demandé d'aller visiter l'exposition à vue photo. Oui, les expositions. Oui, les expositions, exactement. Donc, Ellis Hoffman et Jonas Saint-Michael qui exposent leurs œuvres à vue du 8 janvier au 7 février. Oui. Donc, comment est-ce que tu as apprécié ces expositions-là? Bien, d'abord, j'étais dans un rapport pas mal découverte, je dirais. Je connais, je connais peut-être un peu moins la photo, puis c'est justement, j'étais contente justement de découvrir ces artistes-là. Puis je trouvais que pour ces deux expositions-là, dans les deux, on était dans l'évocation, puis on sentait un bon fil conducteur dans le corpus qui avait été choisi. Pour les deux expos, on apprenait bien à comprendre la démarche de ces artistes-là, puis je pense que c'est ça que j'ai le plus aimé, de voir au niveau conceptuel, en fait, ce qu'ils essayaient de dépoiler. Mais je peux peut-être commencer par parler de Shade and Shelters de Jonas Saint-Michel, t'as dit? Saint-Michel. Jonas Saint-Michael, mais en tout cas, c'est probablement Saint-Michael. OK, mais c'est ça, en fait. J'ai vu, on disait que ça, c'était une exposition sur les espaces et ceux que l'on habite et ceux qui nous habitent. Donc, il y avait un rapport vraiment entre le contexte et l'individu qui se trouvait dans le contexte, dans ce contexte-là. Puis, vraiment, c'était ça. On était dans les lieux de vie, dans les contextes de vie, et on jouait avec ça. Donc, parfois, on retrouvait la personne qui allait avec ce contexte-là, puis parfois on déplaçait l'individu, puis comme si on faisait un copier-coller, on le remettait ailleurs dans un autre univers. Donc c'est vraiment un jeu de cette nature-là, de la nature parfois du principe du copier-coller, puis même Petit Intrus aussi, on avait un contexte sans son individu, je sais pas où il était parti, donc une photographie, d'ailleurs c'est toutes des photographies de grand format, avec des couleurs aussi très vives, donc ça c'était très attirant aussi pour l'œil, on avait l'impression d'entrer dans les photos, puis justement dans cette photo-là, on n'avait pas d'individu, et là on était dans l'opulence, dans la richesse. Très baroque. Donc, oui, vraiment, très contexte, très, très chargé, puis l'autre chose aussi qu'on travaillait dans cette exposition-là, c'est confronter les réalités sociales. Puis ça, c'est la démarche de l'artiste. J'ai visité un petit peu son site web, là, qu'on pourrait mettre sur le blog de l'aérospatial après. Puis c'est vraiment ça, justement, très gros clash. Oui, il joue beaucoup sur les contrastes. Hein? Oui, vraiment, vraiment. Donc, justement, l'opulence, la richesse versus un peu la pauvreté, puis qui se voit dans l'image qu'on peut avoir d'un individu. Et ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est que parfois, on nous jouait un tour, on enlevait le contexte, puis on en créait un construit. Des images studio. Oui, exactement. À un moment donné, on était dans le studio. Donc, on effaçait vraiment ces lieux-là. Il y a peut-être une photo aussi qui m'a particulièrement interpellée, parce que justement... je trouve, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, les filles, moi je trouve que quand on enlève le contexte d'une photo, quand on présente un portrait, on n'est que concentré sur l'individu, donc un peu peut-être plus sur sa psychologie, sa nature intérieure. Puis c'est ce qui s'est passé avec la photo où on voyait un petit garçon qui était en train de jouer avec tous ses trucs en avant de lui, sa petite table à dessin, son beau grand caniche. Donc on était un peu dans le stéréotype, là, on décrivait le petit garçon avec peut-être. Des couleurs très très bonbons, oui, reliées à l'enfance. Puis rapport esthétique quand même facile, c'est-à-dire que les couleurs vives du fond était agencé avec ses baskets à la dernière mode, oui, qui étaient placées en avant. On sent vraiment la mise en scène, le choix des objets, du ça lieu fait. Où sont disposés chacun des objets, le grand caniche. Ouais. Ça donne un côté un peu surréaliste, mais en même temps, un peu, c'est trop bonbon, trop édulcoré. Oui, exactement. Qui crée un très gros décalage. Ouais. Un clivage. Là. Un oui. clivage. Puis ce clivage-là, moi, justement, je continuais ma réflexion. Puis je me disais, ben oui, cet enfant-là, hein, outre, outre toute son opulence, peut-être, son contexte, hein, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il souhaite vraiment? Est-ce qu'il souhaite pas plutôt avoir l'attention de ses parents au lieu d'avoir ses petits jouets installés autour de lui? Donc, vous voyez, moi, parce je suis toujours dans... une certaine solitude aussi. Ben oui, peut-être, oui, c'est ça, on sent un vide aussi, vraiment. Donc, bref, une proposition intéressante, une agréable découverte que j'ai faite avec, avec cet artiste-là. Et deuxième expo... aussi intéressante, ça s'appelait Fading de l'artiste Ellis Hoffman. Et puis c'est intéressant de dire quand même que c'est un artiste suédois, puis que c'est la première fois qu'il expose non seulement au Québec mais à l'extérieur du continent européen. Ouais, c'est ça. Avec une petite trouvaille peut-être recrue en fait. Et ben voilà, le titre aussi dit beaucoup de choses sur l'expo. Fading, si on traduit, on est dans l'atténuation, dans la dégradation, dans l'effacement. Et c'est vraiment ce qui se produit dans cette expo-là, mais aussi du fait que quand on est dans cette salle-là, j'ai vu, je sais pas si c'était le même réflexe que moi, on lit toujours de gauche à droite, donc on est dans un rapport, on additionne peut-être chacune des photos, chacune des images qu'on voit dans notre esprit. Oui, ben la disposition aussi facilite la narrativité. Exactement. Il y a une espèce de mise en page, si on veut, qui se fait sur les murs. Parfois, les photographies sont disposées en angle. Donc, il y a une histoire qui se trame. Mais moi, je voyais beaucoup le scénario là-dedans. Je sais pas si c'est une volonté de vue, une volonté de l'artiste ou les deux. Mais justement, puis au départ, ben justement, cette dégradation-là, hein, une chose qui s'en va vers le déclin, on la voit autant dans la vie, autant avec les humains, que dans la nature. Fait que j'ai trouvé ça vraiment touchant, en fait, cette expo-là. Souvent, on a des moments un peu comme que j'ai nommé tampon, une zone où on prend une bouffée d'air, où on est dans la nature, puis après ça, on se rend compte que on s'en va vers le déclin, puis on parle incessamment quand même de la mort. Donc, une exposition quand même à visiter pour justement se laisser porter par ce flot-là, puis réfléchir à ces agencements-là. Je pense entre autres à un dernier agencement de photographie dans cette expo-là qui m'a donné des frissons, qui m'a... Oui, le triptyque qui vient avant l'image finale. Exactement, où on voit ce petit être-là trop petit. Un embryon qui semble congelé, Je sais pas trop, mais en tout cas, sa peau vraiment était très abîmée. On le juxtapose avec une photo de femme très vieille. Une robe très opulente. Exact, mais cette femme-là semble pas du tout heureuse d'être dans ce contexte-là. Donc, est-ce qu'on parlerait pas d'absurdité, en fait, de ce déclin-là, de la vie, de cette dégradation? Donc, un petit propos peut-être aussi éditorial à travers ça. Donc, c'est une expo, je trouve, qui s'explique peut-être un petit peu mal avec des mots. Il faut la vivre, je pense. Oui. Puis se laisser porter par ces images. Et la lumière est magnifique aussi dans cette exposition. Une espèce de lumière ambrée qui va chercher un peu du paradis, je dirais, qui est évoqué par la mort qui est constamment représentée dans les images. Des tons de vert forêt, couleur peau, quand même quelque chose de très sombre. Puis des jeux de profondeur de champ. Oui, très, très intéressant. Ouais. Ouais. Donc, deux très belles expositions à voir chez vous présentées jusqu'au 7 février. Merci beaucoup pour ta chronique, Marie-Claire. Ça m'a fait plaisir, Gentiane. Alors, on s'en va en pause audio avant revenir avec le rappel des événements de la semaine. Donc, encore l'artiste Zenji qui nous présente la pièce Freya. Thank you. Alors, de retour à l'aérospatiale pour cette dernière partie d'émission, Jean-Tienne Lafrance et Audrey Carreau avec vous. Donc, un simple rappel des événements qui débutent cette semaine. Alors, jeudi prochain, le 14 janvier, il va y avoir le vernissage de Camille Nadeau. Donc, son exposition « C'est si bon », une exposition vidéo qui va être présentée à la Chambre Blanche pour une très courte période. Donc, si ça vous intéresse, c'est seulement présenté du 14 au 17 janvier. Donc, Camille Nadeau qui va présenter le... Son projet de maîtrise, je pense. Oui, exactement. La présentation de son projet de maîtrise. Donc, elle travaille à partir d'archives familiales, de captation de Super 8. Donc, un projet très intriguant qui sera présenté du 14 au 17 janvier dans les espaces de la Chambre Blanche. Également, le même soir, de 13 à 17 heures tous les jours, et le vernissage sera à 17 heures. Le même soir, à 17 heures, le vernissage Banc d'essai, présenté à la Galerie des arts visuels. Donc, la 11e édition de cette exposition inaugurale de l'année qui regroupe des étudiants inscrits en deuxième année au baccalauréat. Donc, cette année, Rosalie Gamache, Angela Eve Marche, Florence Morissette et Andréane Perron vont nous présenter le résultat de leur projet d'étude. Et finalement, le 17 janvier, au lieu, aura lieu le vernissage et la conférence dans le cadre de l'exposition Robert Filiou en archives. Donc, nous avions parlé à la dernière émission de cette exposition de Robert Filiou, donc à partir des archives du lieu autour de la figure de Robert Filiou, qui est l'inventeur de la journée de l'anniversaire de l'art, donc l'exposition qui débutera le même jour, et Richard Martel qui va présenter sous forme de conférence les grandes idées du travail de l'artiste. Donc, vous pouvez aller retrouver toutes ces informations et la balado diffusion de l'émission sur notre blog au www.laérospatialeckrl.wordpress.com. Je remercie Gino Quentin et Andréane Jacques, nos invités, de s'être déplacés ici en studio. Un gros merci à nos collaborateurs et collaboratrices, Simon Roy, Marie-Claire Tremblay, ainsi que Jacques Gignac à la mise en onde. Et le plus gros merci, je le réserve à ma co-animatrice, Audrey Carreau, qui m'a accompagnée tout le long de cette première animation de l'émission de l'aérospatiale. Merci, Audrey. Ça fait plaisir. Bravo, Jean-Tienne. Et puis, on se voit la semaine prochaine. Il ne faut pas oublier de dire que l'émission... C'est Pierre Blais avec Situation Critique. Oui. Merci. À mardi prochain. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Pierre Blais anime Situation Critique, l'émission sur le cinéma dans quelques instants. Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. Lebaldulézard.com 89.1.